بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا المولى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب قول الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحد أصبر على الأذى أو ما أحد أصبر على أذان سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. Donc on va continuer inchallah sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Et donc on avait terminé un chapitre. Et la fois dernière, dans la dernière allocution, on a dit qu'on allait commencer l'étude d'un nouveau chapitre. Et donc on est arrivé dans l'étude d'un nouveau chapitre lorsque l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit chapitre concernant la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Inna allaha wa al-razzaqu dhul quwwatil matin ». Et donc ici, l'imam al-Bukhari va citer un verset en intitulé de ce chapitre en disant, donc il va citer ce verset où Allah Jalla wa'ala nous dit en sens relatif: Inna Allah, certes Allah est le dispensateur, celui qui octroie, pourvoit la subsistance, et il est celui qui a al-quwwat al-matin, et il est celui qui a la force, la puissance, la toute puissance. Et ça on le verra inshallah dans ce qui va suivre inshallah, l'explication de ce verset inshallah. Donc ici, dans ce verset, Allah Jalla wa'ala nous dit que « Inna Allah wa al-Razzaq » Premièrement, il nous dit qu'il est « Razzaq » et qu'il est « Dhu Quwwatil Matin » et c'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers l'étude de ce chapitre. Donc dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari, ici, va parler et va nous enseigner l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'un des attributs d'Allah Jalla wa'ala. Le fait qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui octroie la subsistance. Donc on va parler de cela, le fait qu'Allah Jalla wa'ala est le dispensateur. Donc Razzaq, on peut le traduire par le pourvoyeur, celui qui dispense, le dispensateur, une traduction relative, de la subsistance. Donc tous les êtres, toutes les créatures, Allah Jalla wa'ala est celui qui dispense et celui qui pourvoit à leur subsistance. Et Allah Jalla wa'ala, c'est lui qui a tout décrété et c'est lui qui est le donateur, c'est lui qui donne, Allah Jalla wa'ala est celui qui prive. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari va nous parler, après qu'il nous ait parlé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien maintenant il va nous enseigner avec des textes ici, qu'Allah Jalla wa'ala, parmi ses attributs, le fait qu'il octroie la subsistance. Et donc parmi ses noms, sublime, traduction relative, le pourvoyeur de la subsistance, subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que le croyant, lorsqu'il médite cela, lorsqu'il apprend cela, qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui gère donc cet univers, et il est celui qui a créé les hommes, et il est celui qui pourvoit leur subsistance. Il est celui qui donne Allah subhanahu wa ta'ala, et il est celui qui a décrété la subsistance de chacun. Et il n'y a pas un animal, une bête, dans cette vie d'ici-bas, sans qu'Allah Jalla wa'ala ait déterminé à cet animal aussi sa subsistance. Et là, en apprenant cela, vous allez voir que même ça va changer certaines convictions et ça peut même changer le quotidien de beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans, le fait de méditer cela comme vous allez voir. Donc, Ar-Razzaq, c'est ce qu'on appelle en arabe Siratul Mubalara, Min Ar-Rizq, Wa Huwa Al-Ata. Donc c'est une sorte de, le terme en arabe, lorsqu'on dit razaq, c'est une sorte de superlatif de la parole rizq. Rizq, c'est la subsistance. Wa huwa al-ata. Et si vous voulez, c'est la donation. Al-ata, qu'on traduit par la donation. Et c'est pour ça que dans un verset, dans Sourate Nisa, dans Sourate les femmes, le verset 8, Allah dit, Farzuquhum minhu. Ay atuhum minhu. Et farzuquhum, dans le sens, donnez-leur. وجاءت بصيغة مبالغة لأحد الوجهين إما أنها من باب النسبة وأن الرزق وصف لازم لله جل وعلا وإما للمبالغة الدالة على الكثرة وذلك لكثرة من يرزقه الله جل وعلا ولكثرة رزقه عز وجل فالرزاق على وزن فعال يحتمل أن تكون للنسبة ويحتمل أن تكون للمبالغة لأن الكلمة فعال تكون للنسبة كالنجار والحداد وما أشبه ذلك وتكون للمبالغة إذا كانت للنسبة فالمعنى أن الله موصوف بهذه الصفة وإذا كانت للمبالغة فمعنى كثرة من يرزقهم الله أو من يرزقهم الله عز وجل وكثرة رزقه الذي يعطيه. Et donc maintenant, premièrement, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son explication, puisqu'on va essayer maintenant de comprendre ce verset et de comprendre le fait qu'Allah Jalla wa Ala, ce que nous enseigne l'imam al-Bukhari ici à travers ce chapitre, le fait qu'Allah Jalla wa Ala est le dispensateur, le pourvoyeur, celui qui octroie la subsistance de ses êtres. Et premièrement, donc là, on explique le terme en arabe, Razzaq, qui ici, soit il va venir dans un sens de ce qu'on appelle en langue arabe el mubalara pour exprimer une sorte de superlatif qui veut dire qu'Allah jalla wa ala ici lidhalika likathrati man yarzuqu Allah azza wa jalla wa likathrati rizqi azza wa jalla. Donc on dit qu'Allah il est razzaq du fait qu'il octroie la subsistance de tous ses êtres. Donc ces nombreuses créatures, tout ce qu'Allah jalla wa ala a créé parmi ses êtres, Allah octroie leur subsistance. On a dit même les bestiaux et les animaux, Allah Jalla wa Ala pourvoit et octroie leur subsistance. وَلِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَنْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَلِكَثْرَةِ رِزْقِهِ جَلَّ وَعَلَا aussi. Et de ce fait, on utilise le superlatif aussi pour sous-entendre aussi le fait que la subsistance d'Allah Jalla wa Ala, ce qu'il octroie à ses serviteurs, est énorme, est immense et indénombrable. Et de ce fait, on peut utiliser ce superlatif qui est dans la langue arabe, lorsqu'on parle de conjugaison arabe, on parle de schéma et de modèle, selon le modèle fa'al, fa'al. Vous avez vu le terme en arabe razaq, il vient selon le schéma et le modèle fa'al. Wa yahtamilu an takun lin-nisba ou yahtamilu an takun lil-mubalagha, li al-mubalagha. Al-Muhim, donc là c'est pour ici, Cheikh Ibn Uthaymeen d'abord, nous explique le terme en arabe pour bien qu'on puisse le comprendre. Donc j'ai résumé ici l'explication en arabe qui est assez subtile du terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il pourvoie la subsistance. Donc ça fait partie de ses attributs, qu'il soit le pourvoyeur et qu'il est celui qui donne la subsistance. Ce sujet est très important, pourquoi? Parce qu'il faut que le musulman sache que ce qu'il possède, ce qu'il va posséder dans cette vie d'ici-bas, Allah Jalla wa Ala avait consigné tout cela. Et Allah a décrété tout cela, a prédestiné tout cela. C'est pour cela que le serviteur, lorsqu'il sait, vous allez voir que ça joue un grand rôle dans notre croyance en notre Seigneur et dans l'unicité. Dans le domaine du tawhid, de l'unicité. C'est pour ça que ce n'est pas en vain que l'auteur, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, a cité ce chapitre. Il va parler maintenant de la subsistance qu'Allah octroie à ses serviteurs. Le croyant qui sait que Allah Jalla wa Ala est celui qui octroie la subsistance et que ce qu'il possède dans cette vie d'ici-bas, Allah Jalla wa Ala l'avait décrété et lui a prédestiné cela, alors cela va engendrer quoi? Qu'il s'en remette complètement à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le musulman, le croyant, la croyante, à ce moment-là, il va placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il sait que, quoi qu'il arrive, sa subsistance a été prédestinée et décrétée. Et quoi qu'il se passe, Allah jalla wa ala, lui a prédestiné ce qu'il aura dans cette vie, ce qu'il va posséder dans cette vie d'ici-bas. Et ça, ça permet aux croyants de placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ça n'exclut pas que le croyant doit faire les causes, pour aller chercher sa subsistance et pour aller donc gagner ses biens et son argent. Par contre, il sait qu'en allant chercher sa subsistance, il fait les causes, donc c'est ce qu'on appelle la prise des causes, يفعل بالأسباب, العمل بالأسباب. Mais il sait qu'Allah Jalla wa Ala est au-dessus et c'est Allah Jalla wa Ala qui facilite. Et donc Allah a tout prédestiné. Et de ce fait, vous allez voir, ça va changer beaucoup et ça va corriger beaucoup de convictions, de mauvaises convictions que les gens ont. Et pourquoi ? Surtout aujourd'hui avec la mondialisation, on voit que les différentes nations et les différentes sociétés dans le monde sont sous l'emprise du capitalisme. Et donc avec cette mondialisation, les gens dans les différentes sociétés dans le monde deviennent matérialistes. Et ces gens-là ne prennent plus en considération les valeurs morales. Ce qu'ils prennent en considération, c'est l'aspect financier. Donc l'aspect financier aujourd'hui prime chez les individus. Alors que dans notre religion, Allah Jalla wa Ala nous enseigne que Inna akramakum indallahi atqakum. Allah nous dit dans un verset, une traduction relative du sens, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc ce qui fait office ici, ce qui est pris en considération, ce qui valorise la personne et l'individu auprès de notre Seigneur et auprès des croyants, c'est l'aspect moral, c'est les bonnes mœurs de cette personne, ses nobles caractères, c'est son comportement qui prime. Donc plus l'individu est pieux et plus l'individu est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qui est considéré. C'est pour cela que le musulman n'est pas sous l'emprise de cela, de ce matérialisme-là, de cet esprit capitaliste et de cette mondialisation-là. Le musulman, lui, le plus noble pour nous, celui qui est valorisé pour nous, c'est celui qui a les meilleurs comportements, qui a le meilleur caractère, celui qui est bon. Et c'est ça qui est pris en considération auprès de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah, on l'a mentionné, إِنَا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah dit, le plus noble auprès de lui, c'est le plus pieux parmi vous. Donc c'est ça, c'est la piété qui est prise en considération. Aujourd'hui, dans les différentes sociétés, les gens ne considèrent plus l'aspect moral, mais plutôt c'est l'aspect financier qui prime chez les gens aujourd'hui. Et Allah nous parle de cela dans le Coran. C'est pour ça, dans maintes sourates et dans beaucoup de versets, Allah Jalla wa Ala nous parle de cela. Comme par exemple dans la sourate « Al-Hakum al-Takathur » Hatta zurtum al-maqabir. Allah nous dit al-hakum al-takathur et il nous parle de la course aux richesses, que les gens ici se rivalisent et sont dans une sorte de course aux richesses et à la richesse. Et Allah dit al-hakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir, jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. Donc les gens ici-bas, ceux qui sont sous la servitude, qui deviennent des esclaves de l'argent. Pourquoi ? Parce que ce capitalisme-là et cet esprit matérialiste-là poussent les gens à être sous la servitude de l'argent et des biens. Ce qu'ils priment pour eux, c'est l'aspect financier. Pour eux, la réussite sociale, c'est l'aspect financier. C'est l'aspect des biens. Donc, c'est pour ça que les gens se rivalisent à présent, se concurrencent. Et ce qui va être pris en considération, ça va être celui qui va amasser le plus d'argent, le plus de biens. Donc ils sont sous l'emprise justement de ces biens, de cet argent, et ils deviennent en quelque sorte des sortes d'esclaves et de serviteurs de l'argent. C'est pour ça qu'on voit que les gens aujourd'hui, ils ne considèrent que l'argent. Ce qui leur parle, c'est l'argent. Pour eux, ils ne voient que l'argent, ils ne parlent que d'argent, ils ne parlent que de biens. Et c'est pour ça que les gens se rivalisent. Et un jour, c'est pour ça qu'un homme, alors qu'il était en compagnie de gens, il leur a dit « J'ai votre idole et votre adoré, votre seigneur sous mes pieds. » Alors ensuite, il leva son pied et les gens virent qu'il avait une pièce sous ses pieds. Et il dit « Voilà votre seigneur. » Il voulait leur faire comprendre que c'était des adorateurs de l'argent, donc il a mis une pièce sous son pied. Et de ce fait, on a un hadith du prophète ensemble qui nous dit « Ta'isa abd al-dinar, ta'isa abd al-dirham ». Le prophète dit « Malheur à l'adorateur du dinar, malheur à l'adorateur du dirham ». Jusqu'à ce que le prophète sallam dit, lorsqu'on lui donne, il se réjouit, et lorsqu'on le prive, il est mécontent. Et on voit que les gens, lorsqu'ils ont de l'argent, il leur est donné de l'argent, ils travaillent de l'argent, là ils sont contents, et lorsqu'ils n'ont pas, ils se mécontentent. Et donc, les gens maintenant, ce qu'ils prennent en considération, donc, pour eux, pour qu'une personne soit valorisée, ils vont prendre en considération son aspect financier. Mais les valeurs morales de l'individu ne sont plus prises en considération. Et le musulman, lui, et la musulmane, font justement ce travail de ne pas tomber dans cela, dans la servitude de l'argent, et de ne pas être soumis à l'argent et au bien. Pourquoi ? Parce que les gens qui mettent tout leur espoir dans cette vie d'ici-bas, et ben pour eux, leur vie se résume à amasser les biens. Et c'est pour cela que, quelle que soit la manière de faire de l'argent, de faire des biens, les gens ne vont pas regarder la manière. Pourquoi ? Parce que leur vie est basée sur cela. Or, le croyant, lui, Allah Jalla wa Ala ne lui interdit pas de faire de l'argent, de vivre. Bien au contraire, Allah Jalla wa Ala est celui qui donne. Et Allah a des personnes, il peut donner, il peut priver d'autres personnes. Comme cela, Allah Jalla wa Ala prédestine, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Jalla wa Ala veut de nous qu'on l'adore et qu'on lui voue un culte pur et qu'on soit soumis à lui et non au bien d'ici-bas. C'est pour ça qu'un jour dans un hadith, le prophète sallam nous a mentionné un hadith qui est immense. Un jour, il était en compagnie de ses compagnons et il leur a dit « Wallahi innal faqra akhsha alaykum ». Il leur a dit « Par Allah, ce n'est pas la pauvreté dont je crains le plus pour vous. Walakin akhsha alaykum an tubsata ad-dunya kama busitat 'ala alladhina kanu min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum ». Et le prophète sallam leur a dit un jour: par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains le plus pour vous. Mais ce que je crains le plus pour vous, c'est que ces biens de cette vie d'ici-bas soient exposés devant vous. Et ensuite, vous allez commencer à vous concurrencer, à vous rivaliser. Et elle vous fera périr comme elle a fait périr ceux qui étaient avant vous, ceux qui sont venus avant vous. Donc beaucoup de gens qui ont eu un amour démesuré pour les biens de cette vie d'ici-bas. Et toute leur vie, c'était le fait de se rivaliser, de se concurrencer dans l'acquisition et l'obtention de ces biens d'ici-bas, c'est pour ça qu'ils ne considèrent que cela. Pour eux, ils ne voient que l'argent et ils ne croient qu'en cela. Il le dit, ils ne croient qu'en l'argent et au bien. Eh bien, ces gens, à la fin, périront. Pourquoi ? Parce qu'ils n'emporteront rien avec eux. Et leur vie, ce qu'ils ne savent pas, elle est éphémère. Et la vie est très courte. La vie est très courte. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a défendu de se rivaliser de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que le fait de se rivaliser dans les biens et l'acquisition des biens d'ici-bas, ensuite ça amène la haine et l'animosité entre les êtres. Et c'est ça ensuite qui amène la jalousie et l'envie. L'envie, le fait que les gens deviennent envieux. Et dans notre religion, l'envie, cette envie-là, elle est interdite. Ça fait partie des péchés dans l'islam de s'envier. Nabi sallam dit « Wala tahasadu, wala tahasadu ». Le prophète sallam interdit de s'envier. Le prophète dit, ne vous enviez pas. Et c'est pour cela qu'un jour, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'ils ont conquis des contrées à l'époque du califat du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'ils ont conquis des contrées, et lorsqu'ils ont conquis la Perse et autres contrées, alors un jour, il était en compagnie de ses compagnons, et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et là, les compagnons qui étaient avec lui dans l'assemblée n'ont pas compris. Pourquoi est-ce qu'il pleurait ? Parce qu'il a compris que la conquête de ces terres, donc il y a des richesses, et ça va être la cause ensuite de la rivalité, que les gens vont se rivaliser, se concurrencer, et ensuite s'envier, se jalouser. Et c'est ça ce qui fait périr ensuite les gens, et c'est ça qui crée de l'animosité. Regardez, aujourd'hui, à cause de biens, parfois il y a même des problèmes au sein des familles. Parfois, lorsqu'il y a question d'héritage, après qu'il y a un défunt dans les familles, ensuite certaines familles qui étaient soudées, eh ben, ensuite vont se déchirer à cause de biens, à cause d'un héritage. Et comme cela, lorsqu'il y a la concurrence, la rivalité. C'est pour ça le fait, regardez, c'est un chapitre immense qu'on va étudier ici, c'est un grand rappel pour nous, le fait que le croyant sait qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui octroie la subsistance, et celui qui pourvoit la subsistance, et que tout est auprès d'Allah subhanahu Alors, et le fait qu'Allah est celui qui décrète et prédestine tout, alors il ne va pas envier les autres. Il ne va pas envier les autres. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez qu'une personne prospère et que cette personne a des biens, vous savez qu'Allah, c'est lui qui a prédestiné cela. Le fait de l'envier, vous savez, l'envie interdite dans l'islam, c'est lorsqu'on veut zawal al-ni'ma. C'est lorsqu'on veut que ces biens dont jouit cette personne-là, que ce soit un proche de notre famille, ou que ce soit un voisin, ou que ce soit un ami, ou que ce soit une personne éloignée, on voit une personne, par exemple, qui prospère, qui Allah Jalla lui a donné des biens, alors une personne va l'envier. Cette envie-là qui est interdite dans l'islam, elle est expliquée comment par les grands savants et les grands théologiens de l'islam? Elle est expliquée le fait qu'ensuite on va désirer la suppression de ces bienfaits, que cette personne ne jouit plus de ces bienfaits-là. Il voudrait que lui jouit de cela. Le musulman n'est pas comme cela. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Allah Jalla qui a prédestiné cela. Allah est celui qui donne et est celui qui prive. Et lorsqu'Allah a donné une personne, ça peut être pour plusieurs raisons. C'est pour ça que parfois les croyants, il y a des croyants dont Allah Jalla leur a donné de nombreux bienfaits. Il leur a donné la richesse. Et beaucoup de croyants, parfois, l'utilisent bien cette richesse. Et d'autres, parfois, sont moins riches et sont dans des situations plus modestes. Et ça, en cela, il y a une grande sagesse auprès d'Allah, une sagesse qui est infinie. C'est ce qu'on appelle bihikmatin baligha. C'est une sagesse, il y a une sagesse en cela infinie. Le musulman doit se soumettre à ce décret-là de notre Seigneur. Le fait d'envier une personne dont Allah lui a donné, le fait de le jalouser, de l'envier, ça veut dire que, en quelque sorte, les savants nous expliquent que, en quelque sorte, on est en train de se rebeller à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, puisque c'est notre Seigneur qui a décrété, prédestiné que cette personne aurait ces biens-là. Et c'est pour cela qu'il faut se soumettre à cela et ne pas envier les gens, éviter de se concurrencer, de se rivaliser dans les biens de cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas est éphémère. Et celui qui veut des biens dans cette vie d'ici-bas, celui qui veut qu'Allah lui donne, alors il n'a qu'à invoquer Allah Jalla wa Ala. Et si c'est un bien pour lui qu'Allah lui donne, des biens de cette vie d'ici-bas, Allah lui donnera, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, lorsque, regardez, comment ça change les croyances et ça corrige les convictions, le fait de savoir qu'Allah Jalla est le dispensateur, le pourvoyeur de la subsistance des gens, donc on sait que si on veut des biens, si on veut qu'Allah nous rajoute, eh bien il faut invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah vous donnera. Et c'est pour ça que celui qui place toute sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il ne sera jamais, jamais, il ne sera déçu. Jamais cet individu ne sera déçu. C'est pour cela que Allah est celui qui donne à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Donc il est celui qui octroie la subsistance de tout, de tout, de tous les êtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait ce qu'il veut, jalalu. Et parfois Allah peut donner aussi. Peut donner, il donne à tout le monde, aux croyants et aux non-croyants. Allah donne aux non-croyants. Et le fait que Allah Jalla donne aux non-croyants, ça ne veut pas dire que ce sont des signes de satisfaction et d'agrément de la part de notre Seigneur. Dans un verset, Allah Jalla, si je ne me trompe pas, c'est dans la sourate Al-An'am, dans la sourate Les Bestiaux, où Allah, dans un verset immense, nous dit: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ. Dans un verset, Allah Jalla nous dit, en traduction relative du sens, lorsqu'ils ont oublié le rappel d'Allah, alors Allah leur a ouvert les portes de l'abondance, toutes les portes de l'abondance, les portes du bien. Regardez, ils ont oublié, lorsqu'ils ont oublié tout ce qui leur a été ramené comme rappel des prophètes et des messagers, la religion, le rappel de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Alors on s'attend qu'Allah Jalla dit qu'il leur fera descendre un châtiment. Eh ben non, Allah Jalla Wa Ala, regardez qu'est-ce qu'il dit. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, lorsqu'ils ont oublié le rappel d'Allah, Allah Jalla Wa Ala dit: فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Nous avons ouvert pour eux les portes. Et il est dit: أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Les portes de l'abondance. Toutes les portes de l'abondance. C'est-à-dire qu'ils vont avoir et obtenir des biens dans cette vie d'ici-bas. Allah va leur donner avec largesse. Et il va leur donner des biens. Et ils auront toute l'abondance et des multitudes de bienfaits dans cette vie d'ici-bas. Mais Allah nous dit, hatta idha farihu, jusqu'à ce qu'ils se réjouiront, ils vont se réjouir de tous ces biens, et être plongés dans ces biens, et être content de tous ses biens, ensuite Allah nous dit qu'il les prendra soudainement. Il les prendra soudainement et viendra un châtiment s'ils n'ont pas reconnu que cela et tous ses biens proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'une personne vit, prospère, il a des biens, alors que c'est une personne qui n'est pas reconnaissante envers son Seigneur et qui ne remercie pas son Seigneur pour ses biens, ne pensez pas que c'est des signes de satisfaction et d'agrément, bien au contraire. Allah Jalla wa'ala leur donne un délai. Et le fait qu'Allah Jalla wa'ala leur donne des biens dans cette vie d'ici-bas et qu'ils prospèrent dans ces biens, ça fait que le jour de la résurrection, ils n'auront plus d'arguments. Et ça, c'est un argument contre eux, puisqu'Allah Jalla wa'ala les comble de ses bienfaits et devront répondre de ces bienfaits qu'Allah Jalla wa'ala leur a octroyés. Et ça, vous avez vu, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que c'est très pertinent et judicieux que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, après avoir nous avoir parlé de la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, maintenant il nous parle du fait que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala est le grand pourvoyeur et le grand dispensateur des biens dans cette vie d'ici-bas. Regardez le fait que les croyants ne sont pas soumis, ne sont pas à cela, à ce capitalisme-là, à cette mondialisation-là, le fait que maintenant les sociétés sont sous leur prise justement du capitalisme et les gens, alors les individus de ces sociétés sont devenus matérialistes. Bien, regardez nos grands imams qui sont des exemples, qui sont des exemples hein, pour nous, dans les siècles qui ont précédé, on voit des grands exemples en cela que nous, ce qu'on prend en considération, c'est la valeur morale, c'est la piété de la personne, qu'il soit riche ou non. Les gens aujourd'hui ne croient qu'aux richesses, ils le disent, je crois qu'en l'argent, ils ne croient qu'en cela, ils ne croient qu'aux richesses, ils ne croient qu'à l'aspect financier. Or lui, le musulman et la musulmane, ce qu'ils prennent en considération, c'est les valeurs morales, c'est la piété de l'individu. On ne prend pas en considération la couleur de l'individu ou bien son rang social ou bien son aspect financier, mais ce qui prime pour nous, ce qu'on prend en considération, c'est les valeurs morales. Et combien de gens qui vivent des vies modestes sont meilleurs et bien meilleurs que certains qui sont riches? Et combien de gens riches sont meilleurs que certains qui vivent des vies modestes? Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, c'est les valeurs morales. C'est la piété, c'est le comportement de l'individu. Sachez que le jour de la résurrection, il n'y aura rien qui sera plus lourd parmi les actions, hein, les actions qui seront les plus lourdes sur la balance, rien ne sera plus lourd sur les balances si ce n'est le bon comportement. Un Nabi Sansam, dans un hadith, notre prophète Sansam bien-aimé, que les prières et les salutations soient sur lui, le prophète Sansam nous dit « Ma min shay'in athqalu fil mizan min husni al-khuluq » Il n'y a pas une chose qui sera plus lourde dans la balance le jour de la résurrection, yom al-qiyam, même in shay'in athqalu fil mizan. Il n'y aura pas une chose qui sera plus lourde sur la balance le jour de la rétribution, si ce n'est le bon comportement, husn al-khuluq, le bon comportement. Le bon comportement, les bonnes moralités, ça sera quelque chose, des œuvres qui seront très lourdes sur la balance le jour de la rétribution. C'est pour ça, dans un hadith, le prophète Sansam nous dit aussi le but pour lequel il a été envoyé. Et le prophète, dans un hadith qui est immense, énorme, il nous dit Ba'istu li utammima makarim al-akhlaq. Le prophète Sansam, il dit j'étais envoyé pour parachever les nobles caractères, les nobles comportements. Donc vous avez vu, le comportement de notre religion, eh ben, c'est quelque chose qui prime. Donc les valeurs morales, c'est quelque chose qui donne de la valeur à la personne, c'est ça qui est considéré chez nous. C'est pour ça, regardez cette histoire que je voulais vous faire profiter. À l'époque de Dans les premières générations, les premiers siècles, il y avait un homme qui s'appelait Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib, il fait partie des plus grands imams de la génération des successeurs des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a eu la génération des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette génération a laissé place à une génération qu'on a appelée At-Tabi'in, Zaman At-Tabi'in. C'est-à-dire, ce sont les successeurs des compagnons du prophète. Ceux qui ont vécu à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les sommités, les élites qu'il y avait à cette époque, il y avait un homme qui s'appelait Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib, c'était un homme, vraiment, je vous réfère à sa biographie pour ceux qui veulent vraiment voir un exemple de piété. C'est un homme qui faisait partie des plus grands savants de la communauté. Et cet homme-là a vécu à l'époque des compagnons. D'ailleurs, il est né à Médine. Il est né à Médine, et cela pendant le califat de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Et pendant le califat du deuxième calife de l'islam. Et c'était un homme avec une grande sagesse, un homme de piété, avec des valeurs morales qui était vraiment, vraiment très, très grande. Et lui, il est né, comme on a dit précédemment, à Médine en l'an 15 de l'Hégire. Et cela 2 ans après, donc, le début du califat de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Et donc, c'est-à-dire que le deuxième calife, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, qu'Allah l'agrée, eh ben, est mort 8 ans environ après la naissance de Saïd ibn al-Musayyib, de cet homme. Donc, Saïd, lui, était lui-même fils d'un compagnon. Il était lui-même le fils d'un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et il est connu pour sa piété, pour sa sagesse, pour sa science, son savoir de l'islam. Il fait partie des plus grands savants. Et d'ailleurs, suffit pour résumer cela, le fait que le grand compagnon, le fils lui-même du deuxième calife Omar ibn Khattab, qui s'appelait Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Omar témoignait justement de la science de Saïd ibn al-Musayyib, qui lui-même avait étudié chez des grands compagnons. Et Abdallah ibn Omar témoignait de sa science en disant que c'était un mufti. Il avait atteint le niveau de pouvoir faire le fatwa à son époque. Et parfois même, il référait à lui. Parfois, certains compagnons, quand des questions leur étaient posées, parfois, il référait même et renvoyait les gens à Saïd ibn al-Musayyib. Pourquoi je vous ai fait juste une brève introduction, hein, sinon pour vanter les valeurs de cet homme qui a joué un grand rôle, qui a marqué vraiment sa génération, Saïd ibn al-Musayyib. Pourquoi je vous parle de lui? Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui est rapportée. Il est rapporté que Saïd avait à l'époque une fille. Il avait une fille. Et sa fille s'était distinguée du fait que c'était une fille qui était très pieuse. Donc sa fille avait été éduquée dans une maison de piété, elle a été éduquée dans une maison de savoir et de science, et c'est pour ça qu'elle était connue pour sa noblesse, et c'était l'une des femmes les plus savantes à l'époque. Donc elle avait des caractères qui étaient méritoires, donc elle avait mémorisé le Coran par cœur, donc elle était connue pour sa piété, pour sa dévotion, pour ses prières, comment est-ce qu'elle prie Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elle faisait partie des grandes savantes de son temps. Et en plus de cela, elle était connue pour sa beauté. Donc c'était une très belle femme avec de nobles caractères, une femme pieuse et qui mémorisait le livre d'Allah et qui mémorisait la jurisprudence islamique. Donc c'était une savante. Et tellement, tellement qu'elle était connue pour sa piété, à l'époque, il y avait le grand calife. À l'époque, et là, lorsqu'on parle, on est pendant la période de la dynastie Omeyyade. Donc on est pendant la période, ce qu'on appelle l'Empire Omeyyade, Daoula al-Umayya, Daoula al-Umayya. Et à l'époque, le grand calife, à l'époque, avait demandé à Saïd ibn al-Musayyib sa fille en mariage pour son fils. Pour son fils. Et Saïd ibn al-Musayyib avait refusé cela. Avait refusé. Et plus tard, Saïd ibn al-Musayyib va marier sa fille à un autre homme, à un de ses étudiants, à un de ses élèves. Sauf que, par étonnement, et tout le monde à l'époque était étonné, Saïd ibn al-Musayyib a marié sa fille à un jeune étudiant qui était c'était un orphelin. C'est un orphelin qui était pauvre. C'est un pauvre orphelin. Et qui n'avait pas d'argent, qui vivait très modestement. Il était vraiment dans la nécessité. C'était un pauvre. Il est rapporté qu'il avait à peine 2 ou 3 dirhams. Dirham avait avec lui, c'était vraiment une somme insignifiante. Et ben malgré cela, et ben Saïd ibn al-Musayyib lui avait offert sa fille en mariage. Alors que c'était dans une situation, alors qu'à la base, cet élève qui était un pauvre orphelin de père, hein, et alors qu'il faisait partie des pauvres à l'époque, et il avait déjà été marié, et sa femme précédente était décédée. Donc il avait été une période en deuil. Et il était très affligé de cette épreuve. Et l'imam Saïd ibn al-Musayyib, plus tard, il va lui marier sa fille. Et même lui, l'élève, va être étonné. Il va être étonné comment l'imam peut faire cela, lui marier cette fille. Même lui, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Et bien, l'imam lui a marié cette fille. Il n'a pas pris en considération sa situation sociale ou bien sa pauvreté. Il lui a marié sa fille et l'élève était vraiment, vraiment très, très touché, en plus qu'il devienne le gendre du grand imam et célèbre Saïd ibn al-Musayyib. Et un jour qu'il lui maria sa fille, pardon, alors il lui dit, je te confie un dépôt, je te confie le dépôt. Et lui-même, il est rapporté dans l'histoire que Saïd ibn al-Musayyib, lui a rapporté lui-même sa fille et lui maria lui-même sa fille. Et ensuite, à un moment donné, il lui dit, retourne chez toi. Et lui, cet élève, qui était pauvre, hein, il avait honte. Il ne savait pas comment faire. Et regardez, c'est un exemple. Le fait, lorsqu'on s'en remet là, il ne savait pas comment faire au niveau de sa subsistance puisqu'il était pauvre. Et il se dit, quand cette noble fille va venir dans ma maison, il avait honte déjà de sa situation et il n'avait pas d'argent pour pouvoir accueillir la fille de l'imam. Et donc, pour ce mariage, et même sa dot était vraiment infime, la dot c'était de dirhams, c'était vraiment une somme qui était vraiment, vraiment modeste. Et lui, il avait honte de cette situation. Et comment est-ce qu'il allait faire lorsque son épouse, cette nouvelle épouse, allait venir chez lui? Il ne savait pas. Eh ben, regardez, lorsqu'Allah, Jalla, on dit que c'est lui qui octroie la subsistance. Et des fois, Allah va vous octroyer votre subsistance quand vous vous y attendez pas. Et au moment où la personne ne s'y attend pas, eh ben, Allah va lui octroyer sa subsistance. Allah est celui qui donne. Il faut juste s'en remettre à lui et faire les causes, bien sûr. Il faut faire les causes. Eh ben, regardez. Il dit un jour, l'imam lui a dit, retourne chez toi avec ton épouse. Et lorsqu'il est retourné chez lui, il trouvait que chez lui, il y avait une grosse somme d'argent que lui-même, l'imam, lui avait envoyée. Et cela pour faire face aux diverses dépenses de la vie conjugale. Et donc, l'imam lui avait donné de l'argent aussi. Donc, lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé une grosse somme d'argent que l'imam lui avait donnée. Et lui-même, le jeune orphelin, qui était pauvre, il dit, et ma femme, il veut sous-entendre donc la fille de Saïd ibn Musayyib, il dit, ma femme était une érudite, était vraiment savante. Et il dit, il n'y avait pas une question sans que je trouve une réponse auprès d'elle. Et il dit, je l'interrogeais alors, il dit, je trouvais qu'elle était savante en la matière, dans toutes les questions qu'il lui posait. Donc c'était vraiment un grand cadeau que lui a fait cet imam. Regardez, l'imam, ce qu'il a considéré, c'est l'aspect morale de cette personne, c'est les valeurs morales. Il n'a pas considéré cet élève-là, malgré qu'il était orphelin, malgré qu'il était pauvre, il lui a quand même marié sa fille. Il n'a pas considéré ici, il n'a pas regardé sa situation financière, est-ce qu'il était riche. C'est l'aspect moral qu'il a gardé. Alors c'est pour ça qu'un jour, Saïd ibn Musayyib, les gens l'interrogèrent et lui dirent, Yé imam, comment se fait-il que tu aies refusé pour ta fille la demande en mariage du commandeur des croyants, du calife lui-même. Le calife lui-même t'a demandé en mariage ta fille pour son fils et que tu l'as accordé à un simple musulman parmi tant d'autres. Alors, lorsqu'ils lui ont posé cette question, l'imam répondit, certes, ma fille est un dépôt que l'on m'a confié. J'ai cherché à travers cela à améliorer sa situation. Alors, les gens qui lui ont posé la question, ils n'ont pas compris, donc ils ont insisté, ils étaient étonnés. Ils ont dit, oh imam, comment cela? Il dit, d'un côté, un homme qui ne possède que 2 dirhams, que 2 dinars, ou 10 dirhams plutôt, dont la nourriture est du pain et de l'huile, parce que cet homme qui était pauvre, à qui il a marié sa fille, il mangeait du pain et de l'huile, tellement qu'il vivait une vie modeste. Alors, d'un côté, il y a un homme qui possède que 2 dirhams, que sa nourriture, c'est du pain et de l'huile, et dont la maison est dire en quelque sorte une sorte de une maison qui est vraiment modeste. Et de l'autre côté, on te propose le fils du calife, du commandeur des croyants, qui est meilleur pour elle. Alors, regardez ce qu'il répondit, ce qu'il expliqua. Il dit, que pensez-vous qu'il sera advenu d'elle dans le château des Omeyyades, c'est-à-dire dans des palais? Il avait peur pour elle du luxe, de la luxure, des palais, de la richesse. Il ne sait pas comment sa fille va réagir face à tout cela. Il ne sait pas du fait qu'elle était pieuse, c'est une femme qui était dans la dévotion d'Allah, qui a été éduquée depuis sa jeunesse, qui mémorisait le Coran, qui mémorisait la jurisprudence islamique, qui était une savante, une érudite dans l'islam. Il avait peur pour elle de la luxure, des biens de cette vie d'ici-bas, des châteaux, des palais. Alors il dit, que pensez-vous qui serait advenu d'elle dans le château des Omeyyades? Quel effet aurait eu sur elle ses vêtements, ses meubles, ses servants et servantes à ses ordres? Femme de calife, qu'en serait-il de sa religion? L'imam avait peur pour sa religion, la religion de sa fille. Et voilà comment étaient nos grands savants. Ce qu'ils faisaient, ce qui était pris en considération, c'était l'aspect vraiment moral. L'aspect vraiment moral, et c'est ça qui était considéré chez nos savants. C'est pour ça qu'ils n'accordaient pas d'importance aux richesses des gens, mais ce qu'ils regardaient, c'est la piété. C'est pour ça que le musulman n'est pas matérialiste dans cette vie d'ici-bas, et lui, ce qui n'importe ici, c'est la piété. Je vais vous donner un autre exemple, je voulais vous lire, je ne sais pas si on aura le temps. Un jour, une lettre qui a écrite Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri aussi, c'était un homme très pieux qui a vécu à l'époque de Saïd ibn Musayyib. À la même époque, ils ont vécu. Il a vécu lui aussi à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Saïd ibn Musayyib fait partie aussi des grands successeurs des compagnons, c'est-à-dire des grands à l'époque de la génération des ce qu'on appelle At-Tabi'in. Donc, lui, Saïd ibn Musayyib aussi, c'est un homme qui a grandi à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il était connu pour ses sagesses et pour sa science. Depuis tout petit, donc, il a grandi à Médine. Et donc, il a appris la science avec justement les compagnons du prophète, alayhissalatu wassalam, jusqu'à ce que lui ensuite est devenu un grand érudit et c'est devenu l'un des grands savants de sa génération. Donc, il a marqué l'histoire de par ses sagesses et sa science. Et regardez ce qu'il dit. Un jour, alors, dans une de ses lettres, qui est une grande exhortation pour nous, à notre époque aussi, regardez ce qu'il dit lorsqu'il a écrit une lettre à l'époque au calife qui était Omar ibn Abdelaziz. Et dans une allocution précédente, on avait fait allusion à ce grand calife qui était Omar ibn Abdelaziz, l'un des grands califes qui était l'un des plus pieux califes de l'époque de l'Empire Omeyyade aussi, la dynastie Omeyyade. Et regardez dans cette lettre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ô commandeur des croyants, c'est une lettre qui est vraiment une exhortation. Vous savez que l'âme de l'individu, l'âme incite ce qu'on appelle un nafs, chaque personne, son âme est incitatrice au mal. Et c'est pour cela que parfois il faut la bousculer. L'âme, il faut la bousculer et donc il faut lui faire du rappel. Il faut lui faire du rappel pour pas que la personne soit sous l'emprise de son âme. Pourquoi? Parce que l'âme est incitatrice au mal. Et c'est ce genre de rappel qui justement bouscule les âmes et sont des grandes exhortations pour les individus. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, sache que ce bas monde n'est pas une demeure où l'on s'établit. Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, il est descendu en guise de châtiment. Il suffit à celui qui ne connaît pas la récompense d'Allah, de savoir qu'il y a une récompense. De même, il suffit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah, de savoir qu'il y a un châtiment. Ce bas monde agit d'une manière singulière. Alors, il humilie celui qui l'honore. Celui qui honore ce bas monde va l'humilier. Il rabaisse celui qui l'élève, rend pauvre celui qui amasse ses biens. Et fait des victimes à chaque instant. Regardez, il parle de cette vie d'ici-bas. À chaque instant, il fait des victimes. On s'y approvisionne en le délaissant. Le véritable riche en ce bas monde est celui qui apparaît pauvre. Regardez ce qu'il dit, regardez les valeurs qu'ils avaient. Le véritable riche en ce bas monde est celui qui apparaît pauvre. Par Allah, il dit dans sa lettre, ô commandeur des croyants, ce bas monde est-il un poison? Celui qui ne le connaît pas l'ingurgitera pour guérir, mais finira par en mourir. Sois donc, ô commandeur des croyants, tel celui qui soigne sa blessure en souffrant légèrement par crainte de devoir souffrir plus par la suite. Ce dernier endure la dureté du remède de peur d'avoir à vivre un calvaire. Ensuite, regardez ce qu'il dit. Il dit, ô commandeur des croyants, les gens clairvoyants qui ont la connaissance d'ici-bas, marche en toute humilité, s'habille avec le strict minimum et n'exprime que ce qui est juste. Leur nourriture se compose de denrées obtenues de manière licite. Regardez ce qu'il dit. Leur nourriture, ils l'ont obtenue de denrées obtenues de manière licite. Et ils ne mangent pas de haram, de ce qui est interdit. Leur clairvoyance, il dit, leur permet de percer à jour la réalité de l'au-delà. Et celle d'ici-bas. Ils ont la même crainte sur terre qu'en mer. Qu'ils soient en mer ou bien sur terre, ils ont la même crainte. Leurs invocations en temps d'aisance sont identiques à celles qu'ils font en période d'affliction. Qu'ils soient dans une bonne situation ou bien qu'ils soient éprouvés, leur invocation est la même chose. N'eût été le terme fixé à chacun, leur âme ne serait restée que peu de temps dans leur corps, tant ils craignent le châtiment et tant ils désirent ardemment la récompense divine. À leurs yeux, le Créateur est immense, alors que les créatures sont insignifiantes. Contente-toi, regardez ce qu'il dit au calife de l'islam, contente-toi de prendre ce qui te suffit pour survivre en espérant que tu te satisfasses de ce qui t'a été octroyé. Donc regardez, c'est un rappel qui est immense. On va se quitter sur ça. On essaiera d'expliquer un peu certaines paroles. Wallahu a'lam, dans la prochaine allocution, Inch'Allah. En tout cas, là, c'était un rappel qui est immense de Hassan al-Basri qu'il a écrit justement au calife Omar ibn Abdelaziz. Regardez à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit. Il lui dit, contente-toi de prendre ce qui te suffit pour survivre, en espérant que tu te satisfasses de ce qu'il t'a été octroyé. Donc, il faut se satisfaire de ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a octroyé, ce qui nous a prédestiné. On fait les causes pour avoir cette subsistance-là, pour gagner des biens, mais ensuite, on se satisfait. Et lui, le musulman, il est toujours satisfait de ce qu'Allah Jalla wa'ala lui a décrété. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là et on continuera l'explication de ce chapitre dans une prochaine allocution. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.